Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on vous raconte les petites découvertes, les petites anecdotes que nous avons découvertes lors de ces 7 derniers jours dans le monde des oiseaux. Comment ça va Sophie ? Ça va. J'étais un choc. Ouf, j'ai du boulot en ce moment, mais bon, on va y arriver. Oui, beaucoup de choses à faire, effectivement. On espère que ça ira quand même bien. Merci beaucoup de te joindre à moi pour ce nouvel épisode, malgré ton temps qui est, on va dire, compté. Avec plaisir. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous emmener autour de la Méditerranée et on va parler de l'aigle de Bonnilly. Et toi, tu nous parles de quoi ? Eh ben, ça va être super intéressant comme sujet. Moi, je vais parler de pétrel et je vais commencer. Parce que mon anecdote cette semaine va à contre-courant de ce qu'on a raconté dans un précédent épisode du Courrier de la Sterne. Non. Ah si. Les pétrels de Désertas traquent les ouragans pour s'y nourrir. Ah, du coup, ils s'envolent pas pour éviter les ouragans ? Eh ben non, justement, ils s'envolent pas pour éviter les ouragans. C'est incroyable, hein ? Ah, mais c'est, effectivement, c'est une découverte top. Qui a été faite par le département de biologie de l'Institut océanographique de Woods Hole. On est aux États-Unis. Et d'accord. C'est une étude qui porte sur les pétrels des Désertas. Et rien déjà que le nom pétrel de Désertas, j'ai un paquet de trucs à vous raconter dessus. Parce que lorsque pétrel j'ai fait Désertas. Le pétrel des Désertas, parce que lorsque j'ai fait la recherche pour trouver le nom, notamment sur Birds of the World, que j'utilise très souvent, eh bien, l'animal n'était pas répertorié. Ah bon ? Mais comment ça se passe ? Eh bien, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement parce que le pétrel des Désertas est considéré comme une sous-espèce du pétrel Gongon. Sous-espèce, du coup c'est pas une... C'est toujours une sous-espèce eh ou ben, c'est juste une espèce ? Justement, ah. Il est considéré par une sous-espèce par certains, mais il est considéré par une espèce par d'autres. Il était à l'origine considéré par comme une autre sous-espèce, celui du pétrel soyeux, qui a donné son nom de pétrel du Cap-Vert dans certaines langues, à ne pas confondre avec le pétrel du Cap-Vert qui est une autre sous-espèce, du pétrel de Gongon, du coup. On va pas s'en sortir, hein. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans cette étude, eh ben, ils considèrent le pétrel des Désertas, ou de Désertas, comme une espèce et non pas la sous-espèce. D'accord. C'est un sacré parti pris, mine de rien, mais visiblement, c'est pas très très bien tranché. Donc voilà, c'était assez marrant quand même de déjà commencer par une recherche sur le nom de l'oiseau. Pour savoir, bah, finalement, mais qu'est-ce que les chercheurs avaient bien pu utiliser comme espèce pour leur étude. Alors, précédemment, on avait dit que les oiseaux fuyaient les tempêtes ou suivaient les œils des ouragans. Eh ben, on a découvert que les pétrels de Désertas ou les pétrels des Gongon, faites comme vous voulez, c'est les mêmes oiseaux, ils font le contraire. Un tiers d'entre eux suivent les cyclones pendant des jours, couvrant des milliers de kilomètres aller-retour, parce que eux, ils habitent au Portugal. Et il y a un quart d'entre eux qui non seulement donc suivent l'ouragan, mais interagissent avec lui. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Ces oiseaux vont dans la tempête pour chercher de la nourriture. Et ils ont trouvé qu'il y avait une corrélation assez formidable entre les déplacements des oiseaux et la vitesse des vents. Au cours de la saison de reproduction, les pétrels de Désertas, ils entreprennent, comme je l'ai dit, des voyages qui sont très longs pour récupérer de la nourriture, qui font parfois jusqu'à 12 000 km aller-retour, ce qui est énorme. Ah oui, quand même. Totalement. Ces oiseaux, en fait, profitent du brassage qui est réalisé par les ouragans, notamment en termes de chlorophylle A, puisque c'est de ce genre de micro-organismes dont ils se nourrissent. Habituellement, les pétrels doivent attendre en fait la nuit que ces micro-organismes remontent pour pouvoir se nourrir. Or, comme il y a, on va dire, un chamboulement dans les différentes interfaces constituant l'océan, notamment avec les vagues, eh bien, les pétrels peuvent se nourrir en plein dans la tempête. Incroyable, hein. C'est terrible, ça. Et dans la tempête, ça leur pose pas de problème pour voler. Aucun oiseau n'a été blessé ni n'a déserté son nid. D'accord. Formidable. Et lorsque les vents étaient vraiment très forts, les oiseaux réduisaient leur vitesse au sol, probablement en passant moins de temps en vol pour éviter justement eh bien, de se blesser également. Voilà. Mm. Et puis profiter des vents arrière aussi, qui leur permettaient de décoller plus rapidement. Donc c'est assez, c'est assez fantastique. Alors les chercheurs ont corrélé ça avec un graphique que vous retrouverez dans l'étude qu'on vous diffusera bien sûr. Juste avant le passage du cyclone, puisqu'on parle donc d'ouragan ou de cyclone, on a une surface en chlorophylle A qui est très très faible, et lors du passage au cyclone, eh bien, la chlorophylle A remonte d'un coup en surface et finit par établir un espèce de plateau cryptique, et ça, ça dure à peu près jusqu'à une trentaine de jours. Donc les pétrels peuvent justement eh bien, se nourrir, même si évidemment c'est dans l'intervalle des 4-5 premiers jours que les pétrels se nourrissent le plus facilement. Formidable, hein ? Eh ben, voilà. Bah, tu vois, je pensais pas qu'il y aurait des oiseaux qui iraient volontairement se jeter dans l'œil du cyclone. Eh ben, si ça peut te rassurer, les chercheurs non plus, et dans la communication qui a été réalisée pour FIZ.org, l'un des chercheurs disait que lorsqu'ils ont vu les résultats, ils étaient tombés de leur chaise. En même temps, on peut les comprendre. Ah, les pauvres. On peut les comprendre. Ah oui, ça peut se comprendre. Ah, bon sang. Non mais c'est vraiment incroyable. Les pétrels sont souvent associés d'ailleurs à plein de mythes autour de la mer et autour des tempêtes, notamment l'océanique tempête qui est quand même très très connue. Il y a un mythe inuit qui est sur la fécondité, qui est assez sordide d'ailleurs, où ouais, ça finit mal, genre la femme elle finit par tuer le mec qu'elle a, avec qui elle a décidé de s'échapper, enfin c'est... Je ne vous raconterai pas cette histoire. Non, mais c'est bon. Tu dois connaître le mythe d'Alcyone et Ceyx. Alcyone et Ceyx, donc, qui forment un couple dans la mythologie grecque. Oui. Ceyx se fait tuer en mer. Et Alcyone, d'ailleurs, a donné son nom au martin pêcheur. Absolument. Alors, on ne sait pas si c'est un martin pêcheur. Soit elle se transforme en oiseau comme son mari, qui peut être un martin pêcheur, mais on peut aussi avoir un cygne ou un pétrel. Voilà. Oui. Et il y a une autre version du mythe qui raconte que Zeus et Hera les ont métamorphosés chacun en un oiseau particulier parce que le couple se rapprochait un peu trop de celui-ci. Voilà. Et donc Ceyx a été métamorphosé en martin pêcheur et Alcyone en goéland ou en pétrel ou en océanite. D'accord, à ce moment-là. Et d'ailleurs, les océanites sont connus pour suivre le sillage des bateaux lors des tempêtes. On pensait que c'était pour s'y abriter. Maintenant qu'on sait ça, peut-être que ce sera pour autre chose. Mais c'est pas seulement lors des tempêtes que suivent les bateaux aussi ? Eh ben, en tout cas, ils sont connus pour poursuivre les bateaux lors des tempêtes, plus précisément. Les marins connaissent très très bien d'ailleurs les océanites, puisque ces oiseaux, lorsqu'ils se posaient sur un bateau, si touchiez un oiseau qui était une océanite ou un pétrel sur un bateau, c'était un signe de malchance. Donc, qu'est-ce qui n'est pas un signe de malchance sur un bateau, de toute façon, on va déjà commencer par poser la question. C'est vrai. Et la légende veut que les marins morts noyés ou les capitaines trop cruels se réincarnaient en ces oiseaux. Voilà. Ah bah dans ce cas-là, faut les virer par-dessus bord, là, non mais faut pas les garder à bord, clairement. Et le nom breton de ces oiseaux est Sataningbian. Voilà, on retrouve le terme Satan un peu dans le truc. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais on ne rigole pas avec cet oiseau. Hein. C'est, ah ouais, moi je connaissais pas le nom breton, là, tu vois. Vous confirmerez si vous êtes évidemment breton et auditeur ou auditrice du courrier de la Sterne. Et puis pour la prononciation aussi, peut-être. Que cette information soit vraie. Mais donc voilà, les pétrels des Desertas qui habitent donc au Portugal, plus précisément sur l'île de Madère, et qui nichent sur les Desertas, donc petites îles, eh bien, sont capables de traquer les ouragans et de s'en servir eh bien, pour manger. Et c'est un gros game changer, parce qu'on pensait jusqu'alors que bah, les oiseaux, et peut-être même les animaux en général, évitaient ces situations capricieuses. On se rend compte que c'est peut-être finalement pas le cas. Et on sait comment ils les suivent et comment ils traquent ces cyclones, en fait ? Ils les suivent juste de vue, tout simplement. Ah, la vue, d'accord. Étant donné que ces tempêtes prennent généralement naissance assez proche, justement, du Portugal, ou en tout cas assez proche des îles qui sont proches de l'Afrique. Ouais. Mais parfois, ces oiseaux croisent directement la trajectoire des cyclones, des ouragans, de manière involontaire, et finissent tout simplement par les suivre. D'accord. Mais okay. Je pense qu'il doit y avoir quand même des mécanismes qui permettent à ces oiseaux de entre guillemets, prévoir la formation de ces ouragans, ou du moins leur déplacement. Voilà. Bah, comme on avait vu pour les autres, effectivement. Absolument. Mmh. Et oui, c'est super intéressant. Moi, mais oui, c'est super intéressant. Ce genre de truc. C'est super intéressant. Donc voilà, vous aurez évidemment l'étude dans la description du podcast. Mais voilà, on racontait quelque chose il y a une quinzaine d'épisodes de cela, en disant oui, les oiseaux, ils s'aventurent pas dans les ouragans, et paf, voilà qu'on a une anecdote qui contredit ce qu'on pensait jusque-là. La science a parlé. Exactement, les oiseaux ont parlé, les océaniques, les pétrels ont parlé. Sophie, on reste Florian dans l'océan. On reste dans l'océan, enfin l'océan. Ouf, on part en mer méditerranée, oui, avec l'aigle de Bonelli. Et ça m'intéresse parce que ça m'intéresse, l'aigle de Bonelli. Je reviendrai sur un point intéressant un petit peu plus tard. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as à dire sur l'aigle de Bonelli? L'aigle de Bonelli. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît l'aigle de Bonelli déjà. On est sur un petit aigle, hein, c'est pas aussi grand que le fameux aigle royal, hein, c'est plus petit, et c'est coloré un peu différemment aussi, parce qu'on est sur quelque chose, bon, ça reste assez brun dans l'ensemble, hein, on va pas se mentir, avec des pattes et un bec jaune, mais quand même, c'est coloré de manière beaucoup plus claire, avec un ventre blanc parsemé de brun, et notamment, si vous le voyez en vol, pour l'identifier, il y a une caractéristique spéciale, il va falloir le voir de dessus, par contre, parce que vous avez une tache blanche sur le dos. Voilà, au et milieu si de tout le brun. Vous avez joué à Assassin's Creed Origins, et ben c'est nu. Voilà, c'est une aigle, je crois, de Bonelli femelle, si je dis pas de bêtises. D'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est l'oiseau que possède Bayek, le héros principal du jeu. Mais il faut que je joue à celui-là, j'y ai pas joué, c'est terrible. Maintenant que je sais qu'il y a un oiseau, faut absolument que j'y joue. Bref, donc l'aigle de Bonelli. Un petit aigle, donc de taille moyenne, qui a été classé d'ailleurs assez récemment dans le genre Aquila. Avant, il était classé dans le genre Hieraetus, qui était un petit peu différent, mais maintenant, il a été changé de place. Bon, la classification, vous savez comment ça fonctionne, hein, des fois on le met là, des fois on le met autre part. On parlait de sous-espèces tout à l'heure, c'est pareil, hein, la classification, c'est pas toujours la même pour tout le monde. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est un Aquila, comme l'aigle royal. Et ça fait partie des plus petites espèces du groupe Aquila. Rendez-vous la semaine prochaine pour vous dire que c'est plus le cas. Vous dire que ça a changé. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre cet épisode, c'est comme ça que ça se passe. C'est déjà pas si mal. On va déjà se baser sur ce qu'on sait. Bref. Donc ce petit aigle, il est assez intéressant parce qu'il a une aire de répartition qui est très particulière. On a une aire de répartition, donc comme je l'ai dit, autour de la mer Méditerranée. Alors on est notamment sur les côtes espagnoles, du côté du Maroc, mais aussi sur la côte française, un peu en Sicile, en Sardaigne, et autour de la côte grecque aussi. Et la suite de son aire de répartition, ce n'est pas du tout la suite qu'on pourrait croire du pourtour méditerranéen. Ça saute directement en Inde et ensuite sur le sud, plus ou moins, de la Chine. Alors là, vous allez me dire, mais attendez, est-ce qu'il migre cet animal? Comment ça se passe là? Est-ce que c'est normal ces aires de répartition un petit peu disparates? Eh ben oui. Grâce à une étude qui est sortie récemment, les chercheurs donc se sont intéressés au pourquoi du comment de cet aigle situé un peu à plein d'endroits différents dans le monde, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une origine historique pour la présence de l'aigle de Bonelli sur le pourtour méditerranéen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une ère glaciaire il y a pas mal de temps encore, hein, nos ancêtres vivaient plus ou moins dans des grottes, dans des cavernes, disons. Et à cette époque, il y avait donc pas mal d'espèces qui ont été restreintes, avec une aire de répartition restreinte, parce qu'évidemment, avec les glaciations et avec l'environnement qui s'est modifié, on a eu des aires de répartition qui se sont réduites à ces moments-là. Et l'aigle de Bonelli, son aire de répartition habituelle s'est largement réduite, et notamment son aire de répartition originale, qui s'étendait un petit peu du sud de la Chine jusqu'à la Méditerranée à l'époque, s'est vue coupée par cette glaciation, qui a fait que on a retrouvé des populations qui ont été séparées les unes des autres à cause de ce changement climatique. Ah oui, changement climatique, hein, comme aujourd'hui, hein, ça modifie pas mal de choses. Et donc à l'époque, cette toute petite population qui avait été isolée sur le pourtour méditerranéen, finalement, elle s'est développée et elle a prospéré jusqu'à nos jours grâce à un paramètre très important qu'il y avait à l'époque, et ce paramètre, c'est nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que cette espèce s'est développée grâce à nous ? Alors, il faut repartir un petit peu sur le mode de vie de l'aigle de Bonelli. Alors, l'aigle de Bonelli, c'est un petit aigle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit aigle avec une alimentation assez variée, mine de rien, qui est très opportuniste, c'est-à-dire qu'il est capable de manger pas mal de trucs différents, et notamment pas mal d'oiseaux, il peut manger jusqu'à plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux différentes, c'est quand même pas si mal. Et il mange aussi des petits mammifères et jusqu'au lièvre et au lapin quand il en trouve quelques-uns. Donc on est vraiment sur quelque chose qui s'adapte facilement en fait. Le problème de l'aigle de Bonelli, c'est que sur son aire de répartition, il se dispute les territoires avec celui qu'on appelle l'aigle royal. L'aigle royal, c'est un gros problème pour l'aigle de Bonelli, parce que ça va utiliser plus ou moins la même niche écologique, mais surtout c'est beaucoup plus gros, donc en fait, l'aigle de Bonelli et l'aigle royal, quand il y a une confrontation, c'est clairement l'aigle de Bonelli qui part. Et le problème, donc, c'est que l'aigle de Bonelli et l'aigle royal ne peuvent pas avoir des territoires qui se chevauchent. Quand un aigle royal est sur place, l'aigle de Bonelli est obligé de partir. Sauf que, grâce aux humains qu'on avait sur place à l'époque, qui se sont répartis dans ce bassin méditerranéen il y a plus de 50 000 ans, quand même, l'aigle royal a eu quelques petits soucis, parce que l'aigle royal, c'est une espèce qui est assez grande et qui tolère assez mal la présence de l'humain. Donc quand vous avez des humains proches, généralement l'aigle royal, il s'en va. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'humain s'est développé petit à petit sur le pourtour méditerranéen, et l'aigle royal, petit à petit, a été repoussé. Et l'aigle de Bonelli, qui lui tolère beaucoup mieux la présence de l'humain, est resté sur place et a pu utiliser les territoires qui ont été laissés par l'aigle royal, ce qui lui a permis de se développer de plus en plus, et donc d'avoir une aire de répartition qui finalement a englobé une bonne partie du bassin méditerranéen. Et tout ça grâce à nous. Comme quoi, pour une fois, nous ne sommes pas un problème. Pour une fois, exactement. Bon, alors ça arrive pas tout le temps, et puis vous allez me dire, oui, mais enfin maintenant, c'est un peu l'inverse. Et effectivement, vous auriez raison. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette tendance qui s'inverse petit à petit, parce qu'en fait le problème, c'est que avec nos activités humaines, que ce soit par la pollution, que ce soit par les nuisances sonores, que ce soit par nous, les villes qui s'étendent de plus en plus et qui prennent sur le paysage naturel, l'aigle de Bonelli finalement n'est plus n'est plus vraiment favorisé par nous et finit par partir de ces anciennes aires de nidification qu'il a réussi à coloniser il y a plus de 50 000 ans. Donc aujourd'hui, finalement, on est sur un peu l'effet inverse que ce qu'il y avait à l'époque. Quand tu parlais de petite glaciation tout à l'heure, tu faisais référence au worm du coup ? Ou tu faisais référence à autre chose ? Il y a eu plusieurs petites glaciations qui sont passées à l'époque, et notamment dans l'une de celles-là, après ils ont étudié, je sais plus exactement en détail, je vous mettrai le lien de la publication, il faudrait que je relise ça exactement, mais il y a plusieurs petites glaciations qui ont fait qu'il y a eu pas mal de mouvements dans les espèces de l'époque. Ça s'est remonté, s'est redescendu, s'est remonté, s'est redescendu, les glaciers ça a un peu bougé. Mais en gros, ce qui compte le plus, c'est que vraiment il y a eu cette interaction entre l'homme et les aigles, et qui a permis ce mouvement. Après, ils sont pas non plus... la publication est très intéressante, mais ils sont pas non plus 100% sûrs de la période à laquelle ça s'est développé. Enfin, ils ont une idée, hein, mais on reste sur une estimation quand même, et on reste sur du modèle mathématique. Donc, c'est... Comment dire ? C'est quelque chose... C'est des calculs, au final. C'est vraiment des calculs qui ont été faits sur... est-ce qu'il y a... C'est un modèle mathématique qui a permis de dire, en fait, si la présence de l'homme avait été importante ou pas pour la colonisation de l'aigle de Bonelli sur ce pourtour méditerranéen. Mais du coup, j'ai une question. Qui dit aigle de Bonelli qui est plus tolérant à l'homme, dit est-ce qu'il y a eu domestication de l'aigle de Bonelli dans certains cas pour de la fauconnerie ou autre ? Alors, je crois pas. En tout cas, elle le mentionne pas. Justement, je parlais de Senu dans Assassin's Creed Origins. Oui. Ils avaient utilisé donc un aigle de Bonelli plutôt qu'un faucon pèlerin, en fait. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un faucon pèlerin qui soit utilisé, ou un autre faucon, un faucon sacré, par exemple, qui soit utilisé comme oiseau pour permettre justement la détection des différentes personnes, ou en tout cas le survol des différents environnements. Et ils avaient, dans le making-of du jeu, ils avaient concrètement dit qu'ils avaient choisi l'aigle de Bonelli parce que c'était un oiseau qui était, bah justement, comme tu le précisais un petit peu, beaucoup plus résistant à tout type de conditions, et notamment, il s'était basé non pas sur l'Égypte antique, mais il s'était basé sur tout ce qui avait été la conquête perse aux alentours du 10-11e siècle, où justement on utilisait ces oiseaux-là. Pour la fauconnerie, parce que c'était des oiseaux qui étaient extrêmement résistants ou endurants, et c'est pour ça que je m'interrogeais sur ce fait-là, parce que c'était surprenant en fait de trouver cet oiseau dans le jeu, quoi. Oui, bon, après je sais pas s'il a été utilisé spécialement pour la fauconnerie, c'est pas un animal qu'on a vraiment dans les récits de fauconnerie d'il y a déjà pas mal de temps. Okay. Ça n'a pas été mentionné spécialement. Enfin, si, j'imagine qu'ici ou là, il y a bien des gens qui ont dû la voir en tant qu'animal pour la fauconnerie, mais on avait des espèces qui étaient favorisées, notamment au Moyen-Âge, qui n'étaient pas celles-là. Ok. Peut-être qu'avant, l'aigle de Bonelli a été utilisé, mais ça, pour le coup, on n'a pas de traces. Mais au Moyen-Âge, par exemple, c'est pas celle-là qui était favorisée. Mm-hmm. Donc, je ne pense pas. Et certainement que si l'aigle de Bonelli avait été utilisé pour la fauconnerie, on aurait peut-être trouvé des restes à droite et à gauche. Justement, avec, c'est très compliqué de trouver même des preuves de ce que Ubisoft disait dans son documentaire. Moi, j'avais fait des recherches complémentaires et on était obligé de mettre tout en point de suspension parce que, justement, il y avait rien de sûr, quoi, vis-à-vis des recherches qu'on a faites de notre côté. Donc peut-être eux ont des documents que moi je n'ai pas eu l'occasion de consulter et que d'autres chercheurs n'ont pas eu l'occasion de consulter, qui confirment ce genre de choses. Mais c'est un point assez intéressant, l'aigle de Bonelli. Ouais, mais du coup j'ai rien sur sa domestication ou sur son utilisation possible. Hein, malheureusement, je n'ai pas l'info. C'est pas très grave. Bon. Merci Sophie pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, écoute, ça m'a l'air plutôt bien. Après, je vais peut-être. J'espère que je me suis pas emmêlé les pinceaux dans les aires glaciaires et autres, parce que c'est pas forcément mon truc, mais normalement ça devrait pas. C'est pas grave. Repose-toi bien, les gens ne savent pas, mais repose-toi bien. J'essaie. Et d'ici là, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour de nouveaux épisodes du Courrier de la Sterne. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez le retrouver également sur YouTube. Vous nous retrouvez bien sûr sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Et pour de nouvelles aventures dans le monde des oiseaux la semaine prochaine. Allez, salut à tous et salut à toutes. À plus.